franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Mais que se passe-t-il au Mali, un pays désormais coupé en deux ? Au sud, des militaires putschistes rechignent à regagner leur caserne et continuent à semer le trouble. Paradoxe, ils ont démis le président légalement élu parce qu'il l'accusait de laxisme vis-à-vis de la rébellion des Touaregs du Nord. Mais en se révoltant, et donc en paralysant le pouvoir, ils ont permis à ces mêmes Touaregs de s'emparer sans coup férir des principales villes du Nord. Plus inquiétant encore, l'offensive éclair de ces Touaregs dans la partie sahélienne du Mali a été accompagnée par une progression parallèle des islamistes qui ont parti liés avec ACMI, c'est-à-dire Al-Qaïda au Maghreb islamique, une organisation terroriste qui détient plusieurs otages français et rêve d'édifier au cœur de l'Afrique, au Sahara et au Sahel, un califat musulman où la loi serait la charia. Mais si le danger représenté par ces émules de Ben Laden devient si préoccupant, c'est que ces combattants ont largement profité de la révolution libyenne, non seulement la chute de Kadhafi a précipité l'émigration de nombreux Touaregs et de mercenaires africains qui se trouvaient en Libye, mais ceux-ci ne sont pas partis du pays les mains vides. Ils ont pillé les prolifiques arsenaux du dictateur et se sont emparés d'armements modernes et redoutables, tels ces missiles solaires qui sont susceptibles de frapper des avions de ligne. Monsieur X ouvre ce dossier brûlant. Au risque de choquer, il faut bien reconnaître que les Occidentaux, lorsqu'ils sont intervenus militairement pour se débarrasser du régime libyen, n'ont pas envisagé ses conséquences, ni même cherché à en prévenir les séquelles les plus dangereuses. Alors vous pensez donc que l'intervention de l'OTAN en Libye a été une faute ? Bon, je dirais pas ça, car il fallait tôt ou tard se débarrasser de Kadhafi et de son régime de terreur. Mais ce faisant, les dirigeants des pays de l'OTAN ont joué les apprentis sorciers. Car alors même que la situation en Libye n'est pas stabilisée, on assiste aujourd'hui à un renforcement sans précédent d'ACMI. Oui, en hommes et en armement. Oui, en hommes, car Kadhafi a accueilli chez lui des milliers de travailleurs africains et des mercenaires touaregs qui, menacés par les révolutionnaires libyens, ont préféré fuir. Une masse d'hommes désœuvrés et désemparés où Al-Qaïda peut recruter des combattants. Quant aux armements, c'est encore plus inquiétant. Les nombreux dépôts d'armes de Kadhafi ont été pillés. En septembre dernier, les experts occidentaux ont établi que 10 000 missiles sol-air portatifs ont disparu. Ah, il est à craindre qu'une bonne partie de ces engins sophistiqués se trouvent déjà dans les mains des combattants d'ACMI. En effet. Mais il n'y a pas que les missiles. Il faudra aussi parler des kalachnikovs, des lance-roquettes, des armes chimiques et des explosifs. En avril dernier, on a saisi des centaines de kilos de TNT et de détonateurs destinés à ACMI. Alors les dépôts d'armes n'ont donc pas été surveillés ? Mais n'importe qui pouvait se servir. Or, d'après les spécialistes, il se trouvait en Libye de quoi armer toute l'Afrique. Cependant, la chute du dictateur libyen a eu aussi d'autres conséquences très importantes. Sous Kadhafi, la Libye est intervenue en permanence chez ses voisins. Ouais, souvent pour les déstabiliser. Hein. Mais en même temps, ses voisins avaient besoin de la manne financière de Kadhafi. C'est un peu paradoxal. Hein. Je vous l'accorde, mais rien n'était tout à fait normal chez Kadhafi. Et lorsqu'il prenait en charge des milliers de Touaregs et leurs familles, il soulageait les gouvernements maliens et nigériens, par exemple. D'autant que ces Touaregs qui font fi des frontières se sont souvent rebellés contre les dirigeants des pays auxquels ils sont censés appartenir. C'est exact. Donc, pardon de me répéter, mais en 2011, l'arrivée massive de ces revenants, comme on les appelle, a soulevé de nombreuses difficultés d'ordre économique ou alimentaire. Oui, alors qu'une nouvelle famine se profile dans le Sahel. Oui, et bien sûr, ces difficultés ont été aussi politiques. Au Niger, par exemple, on a désarmé ces revenants lors de leur retour. Mais il n'en a pas été de même au Mali. Les Touaregs maliens ont rejoint avec armes et bagages leur tribu d'origine et beaucoup ont été recrutés presque naturellement par le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. C'est un mouvement indépendantiste touareg. Hein. Dont nous allons longuement reparler. Par conséquent, la chute de Kadhafi a accru l'instabilité dans toute la bande sahélo-saharienne, même s'il faut bien reconnaître que tous les éléments de la crise étaient déjà réunis. Oui, à commencer par l'existence d'ACMI. Hein. Bien entendu. Alors revenons au début. Au départ, il y a le GSPC, créé en 1998. Ouais, je crois que c'était le groupe salafiste pour la prédication et le combat. Hein. Qui est lui-même une émanation de l'ex-fils algérien, puis de l'ex-GIA des années de guerre civile en Algérie. Au cours des années 2000, le GSPC a été progressivement récupéré par Al-Qaïda pour finalement y être totalement intégré début 2007 sous le nom d'ACMI. Oui, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Hein. Et c'est plus qu'un changement de sigle. En se plaçant virtuellement sous l'aile de l'organisation créée par Ben Laden, les émirs d'ACMI ont aussi opéré une véritable transformation idéologique. Ils ont abandonné l'islamo-nationalisme algérien pour le pan-islamisme, même si les chefs et les membres d'ACMI demeurent majoritairement d'origine algérienne. Ils ont donc rejoint ce qu'on peut appeler la mouvance djihadiste internationale. Exactement. Et de ce fait, les dirigeants d'ACMI ont noué des relations étroites avec d'autres mouvements qui partagent les mêmes objectifs. Et par exemple ? Les Chebabs somaliens et le groupe islamiste Boko Haram, qui sèment la terreur dans le nord du Nigeria. En s'attaquant aux chrétiens du pays. On peut aussi mentionner une filiale d'ACMI, le MUJAO, c'est-à-dire le Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de l'Ouest, qui recrute essentiellement en Mauritanie et au Mali. Et ce changement-là, est-ce que ça s'est traduit concrètement ? Oui, oui. Les différentes katibas d'ACMI sont par exemple soumises à une discipline plus stricte. L'organisation a été renforcée et surtout elle a été dotée de moyens modernes de communication et d'une redoutable puissance de feu. Tout ça coûte cher. Hein. Et alors d'où vient l'argent ? Des rançons payées pour obtenir la libération des otages ? En partie, oui. Des sommes considérables ont abondé les caisses d'ACMI. Ouais, payées par les états d'origine des otages. Bien évidemment. Même si ces états ont du mal à le reconnaître. Une remarque au sujet de ces otages, une trentaine au moins. Certains enlèvements n'ont pas eu pour seul objectif de toucher des rançons. Pour ACMI, posséder des otages, c'est aussi une façon de se protéger. Ah oui, parce qu'une attaque mettrait en danger la vie de ces otages. Des otages boucliers, en somme. C'est ça. Autre chose, toujours à propos de l'argent. Une part non négligeable des ressources d'ACMI provient des divers trafics qui existent dans la région du Sahel et du Sahara et empruntent les traditionnelles routes caravanières. Des trafics qui sont en augmentation constante, drogue, armes, cigarettes, automobiles. Non pas que ACMI soit directement associé à ces trafics encore, que l'un de ses émirs a été surnommé Monsieur Marlboro, mais les combattants de l'organisation touchent des droits de passage, si j'ose dire. Ouais, c'est du racket, quoi. Appelez ça comme vous voudrez, mais c'est la réalité. En tout cas, c'est très rentable. Cependant, la nouveauté, et elle est très inquiétante, c'est le rapprochement entre ACMI et certaines tribus Touareg. Parce que jusqu'alors, les Touareg et les islamistes ne frayaient pas ensemble. Essentiellement parce qu'ils n'avaient pas la même conception de l'islam. Mais apparemment, c'est en train de changer. Parce que, au moins provisoirement, leurs intérêts coïncident, comme viennent de le montrer les derniers événements du Mali. Al-Qaïda, sommes-nous menacés ? Tel est le titre d'un ouvrage récent de Philippe Migaud, un spécialiste sérieux de la question islamiste. Sur les trafics, il écrit ceci. Drogue, armes, cigarettes de contrebande voyagent aujourd'hui de la Guinée-Bissau aux côtes du nord de l'Afrique dans des convois de véhicules tout-terrain, lourdement armés. Les conducteurs sont généralement des nomades locaux habiles à reconnaître les axes de sable roulant où ils peuvent pousser leur véhicule à la vitesse d'un pilote du Paris-Dakar. Pour raccourcir les distances face aux quelques prises réussies par les forces de sécurité locales qui manquent de capacité de détection et d'interception, les cartels sud-américains utilisent même depuis quelques années des avions cargo qu'ils font poser sur des terrains plats du nord Mali, transformés en pistes de fortune. « Avant de voir de plus près l'évolution des rapports des Touaregs avec les islamistes d'Acmi, je vous propose de voir comment les pays de la région et les grands États ont réagi face à la montée en puissance d'Acmi. Oui, lorsque nous en avons parlé la première fois, vous aviez dit que pour les Américains, Sahara et Sahel étaient devenus un nouvel Afghanistan. Bah, autrement dit, pour eux et tous les acteurs de la lutte contre le terrorisme, c'est un nouveau front qui s'est ouvert. Mais un front très difficile, d'abord en raison de l'environnement géographique. Et l'immensité du territoire. Oui, au total, Sahara et Sahel couvrent plus de 10 millions de kilomètres carrés. Et contrairement aux idées reçues, la majorité de ce désert n'est pas composée de dunes, mais présente un relief accidenté, percé de nombreuses grottes. Bah, idéal pour se camoufler, là. En particulier le cas au nord du Mali, dans le massif montagneux de Timétrine, au nord-ouest de l'Adrar des Ifoga, dont Acmi aurait fait son sanctuaire. Bah, autant dire qu'il y est pratiquement impossible d'y conduire une attaque classique. Même les repérages aériens sont inopérants à cause des abris naturels qui s'y trouvent. Autre point essentiel, les États de la région, Niger, Mali, Tchad, Mauritanie, sont parmi les pays les plus pauvres du monde. Sans grands moyens, ils ne peuvent donc contrôler efficacement leur territoire dans sa partie désertique. Ouais, mais il y a l'Algérie au nord. Oui, l'Algérie, principale puissance régionale et dont sont originaires les principaux dirigeants d'Acmi. Mais nous en avons souvent parlé. Les autorités algériennes ont souvent joué un rôle trouble dans la région. Et d'abord parce qu'ils sont très jaloux de leurs prérogatives. Oui, en gros, ils ne tiennent pas à ce qu'on vienne se mêler de leurs affaires. Ah, surtout quand il s'agit de la France, l'ancienne puissance coloniale, qui est toujours soupçonnée de fomenter les mauvais coups. Et parallèlement, les Algériens ont été parfois accusés de complicité avec Acmi. Bah, il est vrai que l'attitude d'Alger a pu nourrir cette suspicion, mais il faut nuancer et surtout comprendre que plus il y a de combattants islamistes algériens au Sahara, et moins il y en a en Kabylie où s'était fixé le GSPC, qui a été le creuset originel d'Acmi, et reste encore le QG d'Acmi. Par conséquent, le gouvernement d'Alger n'a pu que se féliciter du déplacement progressif des maquisards vers le sud. Pour autant, je ne pense pas qu'il ait pu le favoriser. D'autre part, devant la montée de l'insécurité et l'insistance des États-Unis qui voulaient absolument lutter contre le terrorisme dans le monde entier, les Algériens ont dû faire des concessions. C'est-à-dire hein? À partir de décembre 2002, Washington a mis en place le plan Sahel, c'est-à-dire des accords de coopération militaire visant à aider le Mali, le Tchad, le Niger et la Mauritanie à combattre la contrebande, les criminels internationaux et les mouvements terroristes. Mmh. Une aide financière ? Ah, pas seulement. Des forces spéciales états-uniennes basées en Allemagne sont venues renforcer et former les militaires de la région affectée à la lutte antiterroriste. Un centre d'entraînement a même été ouvert dans le nord du Mali. Toutefois, en 2005, le plan Sahel a été remplacé par l'initiative transsaharienne de lutte contre le terrorisme, doté d'un budget annuel de 60 millions de dollars. Mmh. Et quels pays y sont associés ? Bon, les États déjà membres du plan Sahel ont été rejoints par la Tunisie, le Maroc, le Sénégal et le Nigeria. Et surtout par l'Algérie. Ouais, l'Algérie qui décide donc enfin de s'engager. Et qui aurait accepté, dans le cadre de cette initiative, d'accueillir une base américaine de 400 hommes des forces spéciales non loin de Taman Rasset. Au Sahara, donc. Avec donc la possibilité d'intervenir plus facilement au Sahel via le sud algérien. En même temps, les États-Unis envisagent l'installation d'une puissante station d'écoute reliée au réseau échelon de la NSA. Bon, ici, il faut remarquer que Washington n'est pas mécontent de s'implanter dans une zone où l'influence française est ancienne et traditionnelle. Une zone de plus en plus convoitée. Alors, il n'y a peut-être pas que la lutte contre le terrorisme ? Ben non, car le sous-sol y est très riche. Il existe même un véritable triangle d'or, à cheval sur le Mali, la Mauritanie et l'Algérie. Une zone riche en pétrole, en gaz et en uranium. Oui, mais pour le moment, difficilement exploitable. Hein. C'est vrai que c'est un territoire enclavé, mais déjà l'uranium du Niger est exploité. Oui, par la France. Ouais. Et aujourd'hui la Chine, car la concurrence est rude. Et si l'on considère l'inéluctable raréfaction des hydrocarbures dans le monde, il est certain qu'un jour ou l'autre, on y construira les infrastructures nécessaires à l'exploitation de ces richesses. Mais revenons à la lutte contre le terrorisme. Nouvelle étape, en 2007, les Américains ont créé au sein de leurs forces armées un commandement militaire régional spécial, l'AFRICOM. Mais sont-ils physiquement présents ? Je vous ai déjà parlé de Tamanrasset. En Mauritanie, ils sont sur la base de Nema, au Niger, à Agadez et surtout au Mali, où ils utilisent avec la plus grande discrétion l'ancienne base française de Thessalie, située à équidistance de la Méditerranée, de l'Atlantique et du golfe de Guinée au sud. Cependant, comme les Américains sont déjà très occupés ailleurs dans le monde, le plus souvent, ils sont tentés de sous-traiter le combat contre Acme, d'où une moindre efficacité. Et malgré la création à Tamanrasset d'un comité d'état-major commun à tous les pays de la région, il faut bien reconnaître l'inefficacité du dispositif. Oui, la preuve en a été donnée avec les derniers événements du Mali. Alors justement, venons-en au Mali et à la question Touareg. Quelques généralités d'abord. Les Touareg, les hommes bleus, sont des berbères nomades. Ils sont environ 3 millions répartis sur le Sahara et le Sahel et partagés entre 5 États. Burkina Faso, Mali, Niger, Algérie et Libye. Mais vous l'avez dit au début de cet entretien, ils se moquent bien des frontières. En effet. C'est une communauté très hiérarchisée, divisée en tribus souvent querelleuses. Entre elles, oui, mais qui se retrouvent unies quand il faut se retourner contre les autorités. Et il faut aussi tenir compte de leur tradition guerrière. Autre particularité, les femmes y jouissent d'une plus grande liberté que dans le reste du monde islamique. Et ça tient au fait que les Touareg pratiquent un islam plutôt modéré. Un islam de tradition soufiste et même mêlé d'animisme. Enfin, ils ne parlent pas l'arabe, mais le tamashek. Au Mali, ils nomadisent dans une vaste zone désertique plus grande que la France, l'Azawad, entre Tombouctou et la frontière algérienne. Et les rébellions contre le pouvoir central ont été fréquentes. Et l'ont parfois sévèrement payé. Dans les années 70 et 80, par exemple, alors qu'une sécheresse terrible sévissait, l'armée du dictateur Moussa Traoré a perpétré de nombreux massacres et contraint les Touaregs à fuir vers les pays voisins. Puis une deuxième grande révolte a éclaté en 1990. Elle a été déclenchée par le chef du mouvement populaire pour la libération de l'Azawad, MPLA, dirigé par Yad Ag Gali, un homme dont nous allons reparler. Et là, comment ça s'est terminé? Un accord de paix a été conclu sous l'égide de l'Algérie. Accord qui accordait aux Touaregs une certaine dose d'autodétermination et l'intégration de combattants dans l'armée et l'administration malienne. Mais Bamako ne l'a guère respecté, d'où une nouvelle révolte en mai 2006. Puis un fragile accord assorti d'un programme de développement pour les régions du Nord Mali. Programme resté lettre morte. Ouais, conséquence, les troubles ont continué. Bien évidemment. Et on en arrive au mois d'octobre 2011. Plusieurs mouvements fusionnent pour créer le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, ou MNLA, qui revendique aussitôt l'autodétermination de la région. Oui, donc un mouvement renforcé par les combattants Touaregs qui ont fui la Libye. Et on arrive au mois de janvier dernier, où la rébellion se propage dans tout le nord du Mali. L'armée est impuissante à repousser les insurgés, d'autant qu'on observe des désertions massives des soldats Touaregs. Mais qui rejoignent les mouvements rebelles. Naturellement, ouais. Tandis que des dizaines de milliers de civils fuient les combats. Les islamistes jouent-ils un rôle dans cette montée en puissance de la rébellion? La question est très ambiguë. D'abord, les dirigeants Touaregs du MNLA jurent que leur lutte va affaiblir Acme. Leur objectif, prétendent-ils, consiste aussi à nettoyer leur région des djihadistes et des trafics qu'ils ont mis en place. Ça n'est pas si simple. Et pourquoi? Parce qu'il existe depuis longtemps des liens informels entre certaines tribus Touareg et Acme. On a même vu des mariages entre des femmes Touareg et des combattants d'Acme. Mais surtout, un nouveau mouvement est apparu au premier plan. Ansar Eddine, les serviteurs de Dieu. Oui, Ansar Eddine. Et au Mali, pour plaisanter, on dit la sardine. Enfin, c'est un détail. Oui, c'est un groupe islamiste. Très proche d'Acme et qui est dirigé par Yad Ag Gali, qui était l'un des chefs de la révolte de 1990. Et lui, ce n'est pas un Algérien, c'est un authentique Touareg. Et ça change tout. On va le constater dès que les rebelles auront conquis les principales villes du nord Mali. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Le chercheur Mathieu Guider a étudié l'évolution de l'islam tel qu'il est pratiqué par les Touaregs. Voici ce qu'il déclare dans une interview d'avril 2012 accordée au Nouvel Économiste. Avec le printemps arabe et la montée en puissance des mouvements islamistes en Afrique du Nord, l'islamisme politique est apparu comme une alternative idéologique et les idées islamistes ont connu une progression fulgurante au sein des populations maliennes. Au sud, cela s'est fait sous l'influence des fondations religieuses et des missionnaires salafistes. Au nord du pays, la présence d'Acmi a joué un rôle de catalyseur. Aujourd'hui, le phénomène est patent et l'application de la charia ne paraît pas être une revendication marginale. Lors de la prise de Tombouctou par les islamistes Touareg, cette revendication est naturellement réapparue et la charia a été mise en œuvre par les nouveaux maîtres de la ville. Avant de poursuivre, attardons-nous un instant sur ce groupe Ansar Eddine et la personnalité de son chef, Liad Ag Ghali. Ce Touareg, qui est aujourd'hui la cinquantaine, est né dans un clan de la grande tribu des Ifoga, qui représente une sorte d'aristocratie chez les hommes bleus. Dans les années 80, il a rejoint la Légion verte de Kadhafi. Oui, une légion islamique. Hein. Qui devait en principe être une force panarabe, mais qui n'a guère servi. En 1990, démobilisé, Ag Ghali rentre au Mali, juste à temps pour organiser la deuxième grande révolte Touareg. Dès cette époque, il rallie une secte pakistanaise très présente dans le Nord Mali, Dawa, un mouvement prosélyte qui introduit l'islam politique dans le pays. Des Pakistanais au Mali? Oui, aussi étonnant que cela paraisse. Mais ouais, leur rigorisme moral et vestimentaire a vite irrité la population de Bamako. Et ils sont partis, suivis d'ailleurs par Ag Ghali. Mais le Touareg ne reste pas longtemps au Pakistan. À son retour, il fait une carrière dans l'armée, l'administration malienne. En 2007, il est nommé vice-consul à Riyad en Arabie Saoudite. Mais il est rappelé 2 ans plus tard, car les Saoudiens le soupçonnent d'avoir noué des liens avec des mouvements radicaux. La suite est très intéressante. Ag Ghali sert de médiateur-négociateur entre Acmi et l'armée, afin d'obtenir la libération d'otages occidentaux. Il a donc déjà des rapports avec les Katibas d'Acmi. Et ça lui permet aussi de s'enrichir en touchant sa part à chaque versement de rançon. Bah, on ne peut pas toujours être désintéressé. Hein. N'est-ce pas? Et c'est en 2011, pendant la révolution libyenne, qu'il crée Ansar Eddine, en récupérant à la fois des hommes et des armes venues tout droit de Libye. Et quel est son objectif alors? Salafiste, Ag Ghali ne dissimule pas qu'il veut installer la charia et le califat jusqu'à Bamako. Ouais. Et en cela, bah, il n'est pas sur la même ligne que les militants Touareg du MNLA qui, eux, veulent obtenir essentiellement l'indépendance de la Zawad. Et donc la partition du Mali. Pourtant, en principe, ils sont alliés. Bah, pour le moment, oui, mais ça finira par tourner mal. Alors, petit retour en arrière sur les récents événements. Le 22 mars dernier, d'obscurs officiers regroupés au sein d'un comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État perpètrent un putsch à Bamako. Et ils renversent celui que tous les Maliens appellent familièrement ATT. Oui, Amadou Toumani Touré. Un président qui, de l'avis général, et c'est plutôt rare en Afrique, était un modèle de démocratie. Ouais, mais il en allait autrement dans les cercles dirigeants. Oui, qui étaient minés par la corruption. Et cette corruption sévissait aussi parmi les officiers supérieurs de l'armée malienne, qui s'enrichissaient avec le trafic de drogue. La drogue sud-américaine qui transite maintenant par le Sahel. Oui, avant de prendre le chemin de l'Europe. C'est également l'une des causes du putsch. Mais la principale, c'était la passivité du pouvoir politique face aux rébellions des Touaregs et aux menées des islamistes d'Acmi. Oui, avec pour conséquence l'humiliation de ces officiers subalternes qui se sentaient impuissants. Oui, d'autant que leurs supérieurs, les généraux maliens, n'avaient nulle envie de combattre Acmi, car ça aurait été se priver des retombées d'un trafic de drogue très lucratif. Sans compter que ces mêmes généraux touchaient aussi leur part des rançons payées par les États européens pour récupérer leurs otages détenus par Acmi. Mais, paradoxe, c'est le putsch, avec la désorganisation qui s'en est suivie, qui a permis aux rebelles et aux islamistes de conquérir en très peu de temps la moitié nord du pays. C'est un peu l'histoire de Gribouille. Hein. Exactement, oui. Et donc, tout est allé très vite. Ah, ça commence le 31 mars 2012. par la mise à sac de Gao, l'une des principales villes du Nord. Les auteurs, il y a là plusieurs groupes disparates. Des islamistes, des trafiquants et bien sûr des Touaregs du MNLA. On assiste alors à de nombreuses scènes de violence, et même à des viols. Le lendemain, c'est Tombouctou qui tombe. Ah, une ville mythique. Hein. La ville des 333 saints, mais surtout une ville qui possède de véritables trésors. Vous voulez parler des précieux manuscrits de Tombouctou. En effet, oui, on peut légitimement concevoir des craintes pour la préservation de ces témoignages du passé. Parce que si ce sont d'abord les Touaregs du MNLA qui ont pris la ville, ils ont été assez vite supplantés par les combattants du groupe Ansar Eddin, soutenus par Acmi. Or, on sait le sort réservé par les talibans afghans au Bouddha de Bamiyan. D'accord, mais ce sont des manuscrits islamiques qui sont conservés à Tombouctou. Certes, mais il faut aussi craindre les pillages. Toutefois, je poursuis. À Tombouctou, c'est donc notre ami Ag Ghali qui vient parader dans la ville. Et il est accompagné des principaux chefs d'Acmi, Abou Zed, Ben Mokhtar et Abou Aman. Qui sont sortis alors de leur repère montagneux. Hein. Et comment la population a-t-elle réagi? Eh bien, curieusement, elle semble plutôt soulagée par la reprise en main de la ville par Acmi et ses alliés d'Ansar Eddin. Et au fond, toute proportion gardée, c'est un peu ce qui s'est passé autrefois en Afghanistan, où les talibans, lorsqu'ils ont pris le pouvoir en 1996, ont mis fin au désordre. Oui, c'est ce qu'attendaient les habitants. Oui. Acmi s'est lancé dans une véritable opération de charme. Les pillards ont été mis au pas, les violeurs ont été arrêtés, les biens volés ont été rendus à leurs propriétaires, et surtout, il a été procédé à des distributions de vivres et de médicaments. Oui, mais tout n'a pas été aussi rose que vous le dites. Hein. Évidemment, parce que tout ça s'est accompagné de l'institution de la charia. Les femmes ont dû recouvrir la burqa, et les magasins où l'on trouvait de l'alcool ont été vandalisés. Alors la suite, eh bien, le 6 avril, le MNLA a proclamé l'indépendance de l'État d'Azawad. Ouais. C'est donc une sorte d'officialisation de la partition du Mali. Mais une partition qui n'a été reconnue par nulle instance internationale, ni aucun État. En même temps, le MNLA a lancé un ultimatum à Acmi, en lui intimant l'ordre de quitter Tombouctou. Ce dont Acmi n'a pas tenu compte. Par conséquent, c'est une sorte de paix armée qui règne entre les deux mouvements. Et à tout moment, ils peuvent s'affronter les armes dans la main. Parce que, encore une fois, leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Les Touaregs laïcs du MNLA s'en tiennent à la conquête de leur indépendance. Tandis que Ag Ghali et ses alliés, je vous l'ai dit, envisagent de descendre vers le sud et de s'emparer de tout le Mali pour en faire un État islamiste. Un État soumis à la loi d'Acmi. Et soumis à la charia. Mais rien n'est fait, même si c'est vrai, l'islam malien a tendance à se radicaliser. Cependant, l'avenir réserve encore beaucoup de surprises. Assez récemment, par exemple, on a vu apparaître un nouvel acteur, le Front National de Libération de l'Azawad, FNLA. Et d'où vient ce parti? Ce nouveau groupe armé est composé essentiellement d'anciens militaires arabes de l'armée malienne, affirmant n'être ni sécessionniste, ni islamiste comme les autres groupes. Le FNLA est entré fin avril dans Tombouctou et a aussitôt pris le contrôle de deux entrées de la ville. Par conséquent, l'avenir du Mali est plus que jamais incertain. D'autant qu'une fois de plus, la famine menace. Quant aux putschistes, qui ne sont toujours pas rentrés dans leurs casernes, ils entretiennent le trouble et sont donc encore incapables d'affronter militairement les rebelles du Nord. Je vous rappelle le livre de Philippe Migaud, « Al-Qaïda, sommes-nous menacés ?» paru chez André Versailles, éditeur, et aussi de Serge Daniel chez Fayard, « Acmi, l'industrie de l'enlèvement ». À samedi prochain, pour une prochaine émission sur franceinter.fr, vous pourrez réécouter cette émission ou la podcaster. Rebecca de Nantes l'a préparée. Merci à Michel Billoux qui l'a réalisée et à Monsieur Djou pour ses toutes petites notes de musique. Et tout de suite après le flash, on va se balader avec CO2 Mon Amour de Denis Chessou.